tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousues main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse L'appel de la montagne, une série de Marie Chartron réalisée par François Test. Au départ de cette série, il y a le rêve d'un air pur et du blanc éblouissant de la neige qui peut tout guérir. Et il y a la merveilleuse Frau Chocha qui apparaît dans les portes battantes du sanatorium de la Montagne Magique, à l'époque où la tuberculose était partout. Alors pour commencer, les personnages. Un pneumopédiatre attentif, un historien de la montagne, un directeur en retraite, des militaires en entraînement, des enfants patients, des asthmatiques à vélo, un soignant vététiste et un enfant qui ne veut pas être un malade. Ensuite, le décor. Un atelier théâtre, le dernier sana, l'altitude, un bâtiment vide, les Pyrénées, du béton, le fameux bon air, un peu shining, l'héliothérapie, une vallée et une rivière. Aujourd'hui, troisième épisode. T'es prêt ? Allez, prends de l'air. On respire. L'appel de la montagne. Allez, c'est bien. Marie Chartron. Voilà comment t'as fait. François Test. Ah, 21, plus fort, Mathéo. Tu as rien fait en 30. En dernière ? Oui ou non ? Allez. Fort, hein ? Sinon, l'hôpital, ils vont dire, c'est quoi ça ? Il est malade. Aujourd'hui, au Céja, où le souffle retrouvé. Voilà. Ah, 25, c'est bon, c'est mieux. On le boit à l'hôpital, celui-là ? Oui. Allez, on le boit. J'ai trop peur de la lumière, car j'ai vécu dans le noir. Ce mercredi après-midi, l'atelier théâtre s'ouvre sur une séance d'improvisation au cours de laquelle les participants reçoivent une phrase tirée au hasard. Ces enfants au souffle fragile ont pris la suite de malades d'une autre époque, celle de la tuberculose et des sanatoriums, dont ils ignorent sans doute, et heureusement, tout. Les tuberculeux au souffle coupé gagnaient alors les hauteurs, dans l'espoir bien incertain de guérir. Les montagnes françaises, la région de Briançon, le plateau d'Assy en Haute-Savoie, les Pyrénées, mais aussi les côtes, les campagnes et les zones périurbaines portent dans leurs anciens bâtiments sanatoriaux une mémoire silencieuse. Cette mémoire, on peut la déchiffrer dans l'architecture et dans les souvenirs peut-être de ceux à qui le mot cutie évoque des images d'enfance. Je suis le docteur Soignier, je suis médecin pneumopédiatre et je travaille dans un centre de soins de suite et de réadaptation en Cerdagne, à Auxéja, pas très loin de Font-Romeu, qui est une station de ski et qui historiquement comprenait de nombreuses maisons d'enfants à caractère sanitaire pour la réhabilitation des patients asthmatiques. Cet endroit a été choisi de longue date pour ses qualités climatiques. Et donc, on est un peu dans la suite de l'implantation des sanatoriums, puisque les patients tuberculeux, à l'époque, étaient rapatriés vers ces endroits où, sur le plan climatique, tout était bénéfique pour eux. L'altitude, l'ensoleillement et le côté assez sec de l'atmosphère. Et ce qui au départ était destiné à des adultes s'est reconverti progressivement à une pratique pédiatrique. Et donc, outre la prise en charge asthmatique, on a reconverti ces structures vers de nombreuses pathologies pédiatriques, dont l'obésité, dont l'hémophilie, des patients scoliotiques. Donc le climatisme était pour le respiratoire quelque chose d'effectif, d'efficace. Pour les autres pathologies, c'était plutôt un prétexte. Il y avait une structure, il y avait des équipes préparées pédiatriques. Et du coup, on pouvait accueillir d'autres pathologies, d'autres enfants souffrant d'autres maux. Donc là, on est face à l'ouest, et donc on a l'Espagne qui est en face. En face de nous, et la frontière donc traverse le plateau, du nord au sud. La ville en face, c'est Puigcerdà, donc en Espagne, et les premières maisons sont ici en France. Donc la frontière passe du nord au sud, et puis franchit la crête et s'en va, file vers la Méditerranée. Et en bas de la colline où on se trouve, on aperçoit la Perle Cerdane, ce bâtiment qui à l'origine était censé être un sanatorium et qui finalement a accueilli des enfants atteints de pathologies respiratoires et autres maladies. Ce bâtiment, immense, vous l'avez vu émerger, Jacques Parmol. Tout à fait, c'est donc un bâtiment qui a été imaginé à partir de 1947. Pour construire un sanatorium dans cette région qui avait déjà une tradition sanatorielle importante et ancienne. Et le bâtiment a vu le jour à partir de 1952, la construction a été interrompue en 1959 à la suite des progrès concernant la lutte contre la tuberculose. Et la décision de poursuivre a été actée en 1962. En 1966, lorsque le bâtiment a été achevé, bien sûr, plus aucun tuberculeux ne s'est présenté à la porte de l'établissement. Et pendant 3 ans, les porteurs du projet, c'est-à-dire l'institution interdépartementale, qui ne regroupait plus que 3 départements, puisque 2 avaient abandonné en chemin, a recherché des solutions pour reconvertir cet établissement. Alors c'est un bâtiment qui comprend 9 étages avec un sous-sol supplémentaire et la longueur de la partie hospitalisation mesure environ 130 mètres de long, et la hauteur du bâtiment sur les 9 étages à leur point le plus élevé est à 45 mètres du niveau du sol. Il est gris, il est... Alors c'est un bâtiment qui est gris, qui est couleur béton naturel. Hein. Et cette couleur a été voulue par les architectes, parce qu'effectivement, lorsqu'on est éloigné du bâtiment, le bâtiment passe assez inaperçu dans le paysage. Il est clair que lorsqu'on s'en approche, on prend le béton en pleine dans la figure, et on se demande pourquoi on a construit un tel ensemble, une telle couleur, à cet endroit bien précis. Dans les années qui ont suivi sa restructuration, l'ALEFPA avait imaginé de pouvoir le peindre de façon à ce que l'établissement puisse passer un peu mieux auprès des familles qui arrivaient, qui amenaient leur enfant dans l'établissement et qui se retrouvaient face à un bloc de béton dont ils avaient peine à imaginer lorsqu'ils avaient inscrit leur enfant dans l'établissement que cela pouvait avoir une telle structure. Et l'architecte s'est toujours opposé à ce que le bâtiment soit peint, parce qu'il est clair que le bâtiment, une fois peint, serait davantage remarqué dans le paysage, dans l'environnement du plateau Cerdan. L'architecte ? Alors l'architecte, il s'agissait de 2 architectes, Arecce et Avizou. Et Arecce était Grand Prix de Rome, et à ce titre, il avait d'ailleurs construit un certain nombre d'établissements hospitaliers qui essaiment un peu partout en France, d'ailleurs sur le même principe, hein, c'est-à-dire un bloc technique et une hospitalisation. Exemple, vous allez à l'hôpital Nord de Marseille, qui bien sûr a des proportions nettement supérieures à celle-ci, et qui ressemble étrangement à ce bâtiment. Introduction à la connaissance scientifique. 1950. L'étude du bacille tuberculeux et de l'infection bacillaire que nous commençons aujourd'hui préoccupe au plus haut point les bactériologistes du monde entier. Malgré les progrès prometteurs réalisés au cours de ces dernières années dans son traitement, la tuberculose est restée, de toutes les maladies microbiennes, l'une de celles qui frappe le plus durement l'humanité. La tuberculose est une maladie due à un germe spécifique, le bacille de Koch, dénommé ainsi du nom du savant qui l'a découvert. La tuberculose remonte à la plus haute antiquité. On a pu, par l'examen approfondi de squelettes fossiles, en trouver pour la France seulement 11 cas indubitables qui remontent aux âges néolithiques du bronze et du fer. À partir de l'Europe, la généralisation s'est faite à tout le bassin méditerranéen et en particulier à l'Égypte, où elle devint commune, à en juger par le nombre de momies de tuberculeux qui ont pu être étudiées. Pierre Guillaume, vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine. Vous avez étudié l'histoire du sanatorium d'Oséja et de la tuberculose. Pourquoi la montagne s'instaure-t-elle comme le lieu par excellence de guérison de la tuberculose? Vous parlez de la naissance d'un mythe. Oui, c'est le mythe de la pureté, de la qualité de l'atmosphère de montagne considérée comme un véritable remède pour la tuberculose. Ce mythe a été très largement cultivé par les Suisses, qui évidemment étaient très bien pourvus en montagne, et ils ont su exploiter au maximum ce mythe de la montagne pour développer ce qui est devenu chez eux, notamment autour de Lézin, une véritable industrie de la lutte contre la tuberculose. Avant que ne s'instaure ce mythe montagnard dans le soin de la tuberculose, c'est vrai que les lieux où l'on soignait, les phtisiques, comme on les appelait à l'époque, n'étaient pas des lieux montagnards. On parlait de l'Italie, on parlait des Baléares. Pierre Guillaume. Effectivement, la vocation médicale de la montagne date en gros de 1850, avec les premières constructions allemandes, et puis s'est développé surtout à partir de 1860. C'est assez tardif, mais les sanatoriums de montagne avaient un autre avantage. Elles permettaient d'isoler les malades. Les sanats en général avaient aussi ce rôle de protéger les populations saines contre les risques de contagion. Les familles y envoyaient leurs malades. Je ne dirais pas qu'elles se débarrassaient de leurs malades, mais c'était quand même un petit peu ça. On envoyait les malades dans les sanatoriums de montagne, comme dans les grandes familles bourgeoises. On envoyait les gosses, considérés comme un peu encombrants, dans les internats des collèges. Pourriez-vous définir ce mythe montagnard dans le soin de la tuberculose, Pierre Guillaume ? Les sanats en montagne étaient des lieux de loisirs. La montagne était globalement un lieu de villégiature, une villégiature qui, en tant que telle, ne pouvait être que bénéfique aux malades. C'est-à-dire que ce qu'offrait la montagne, c'était tout simplement le repos. C'était une atmosphère évidemment beaucoup plus saine que celle des banlieues ouvrières des villes, donc il y avait quand même une qualité intrinsèque des sites de montagne qui explique leur succès. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas aujourd'hui, bien entendu, et c'est quand même aussi à l'origine du développement des sports de montagne, y compris des sports d'hiver. De la montagne en automne? Alors ici, l'automne est traditionnellement la saison la plus agréable. C'est une sorte d'été indien Malheureusement, vous êtes tombé au mauvais moment. Mais c'est la saison où les arbres ont des couleurs changeantes. Hein. On est sur du jaune, on est parfois aussi sur du rouge, sur certaines essences d'arbres. Et c'est le moment où la montagne, où les bruits se propagent plus facilement. Et c'est également le moment où vous avez une visibilité qui est maximum. C'est-à-dire que vous avez l'impression, compte tenu de la stabilité des couches d'air, de pouvoir toucher les montagnes qui sont en face de vous. Et ça sent comment ? Alors, ça sent, écoutez, c'est le début de la décomposition des feuilles, hein, qui simplement traduit qu'on est en train de changer de saison et que la décomposition de ces feuilles va favoriser le tapis végétal et faire en sorte à la forêt de pouvoir prospérer. Qu'est-ce que c'est ? Un merle. Jacques Arévalo, vous êtes directeur territorial Occitanie de la LEFPA, l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie. Et nous nous trouvons dans ce grand bâtiment qui était initialement destiné à devenir un sanatorium à Auxéja, dans votre bureau, avec une vue sur les montagnes, un grand panorama. Déjà, je voudrais juste citer une petite anecdote. Quand je suis arrivé ici, on m'a précisé, vous savez d'où est la plus belle vue de la Cerdagne ? Et on m'a répondu, du toit de la LEFPA. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est le seul endroit d'où on ne voit pas la LEFPA, enfin la perle Cerdagne. Et c'est vrai que ce grand bâtiment dénote un peu dans le paysage. Alors, un paysage, comme vous le voyez, qui est quand même magnifique. Autant on est en montagne, sauf que nous ne sommes pas dans une région encaissée, comme on peut le voir dans les Pyrénées, mais vraiment sur un plateau. Il paraîtrait même que ce plateau est unique ici en France et qu'on le compare quelquefois à l'altiplano en Amérique du Sud. Un grand plateau qui est ouvert, qui est magnifique, qui est toujours ensoleillé, d'où peut-être justement cette vocation sanitaire qu'a la Cerdagne concernant, je dirais, les pathologies qui sont traitées ici. Qu'est-ce qu'on voit autour ? Qu'est-ce qu'on voit par cette fenêtre ? Alors en fait, cette région, alors je ne suis pas originaire d'ici, je suis du Tarn, mais cette région m'a fait aussi penser un peu, j'allais dire, aux Balkans. Pourquoi aux Balkans ? Parce que tout simplement, suivant où vous vous promenez, vous trouvez dans les champs des bornes qui indiquent que vous êtes, tout d'un coup, vous n'êtes plus en France, vous êtes en Espagne. Vous vous promenez encore un peu, vous êtes en France. Donc ici, quand on regarde la Cerdagne de ce côté, en fait, la Cerdagne, c'est une grande, je dirais, un grand plateau qui a été, lors du traité des Pyrénées, coupé en deux, en 1652. Et en fait, on a la moitié du plateau qui est du côté, je dirais, catalan, espagnol, et l'autre moitié du plateau, donc, qui est restée du côté français. En face, vous trouvez donc la capitale de la Cerdagne, qui est la ville de Puigcerdà, comme disent les Catalans, puis Cerdà. Et ensuite, vous n'avez en fait que des petits villages qui composent ce plateau-là. Il y a deux tunnels, un tunnel qui nous amène directement à Toulouse, un autre tunnel qui nous amène directement à Barcelone, et de l'autre côté, vous descendez sur Perpignan. Donc on est à la croisée des chemins. Nous avons juste à droite ici une enclave qui fait que nous sommes en territoire espagnol, avec l'enclave de Llivia. Là aussi, c'est encore une autre histoire, hein, lors du traité des Pyrénées, puisque Llivia était considérée comme une ville. Et de par son statut, elle est restée du côté espagnol, avec certains privilèges. Voilà. Et ce qui est d'assez étonnant, comme je vous dis, c'est que quand vous vous promenez sur des chemins, etc., vous êtes toujours avec des bornes qui vous rappellent que vous êtes d'un côté ou de l'autre de la frontière. On a même un établissement de la LEFPA à Bourg-Madame, qui, dans son jardin, a une borne. Comme quoi, la moitié du jardin est en Espagne, l'autre moitié en France. Et la Guardia Civile, chaque année, vient vérifier que la borne n'a pas été enlevée. L'ancien sanatorium d'Auxéja fut le dernier d'une longue lignée d'installations sanatoriales à la difficile reconversion. À sa livraison, après une construction chaotique, le sanatorium d'Auxéja dispose d'un bloc opératoire complet, d'équipements radiologiques, d'une salle de spectacle et d'un salon de coiffure. rien ne manque. Ni un lit, ni une couverture, ni un fauteuil, ni même le médecin directeur et l'équipe d'entretien rémunérés pendant 2 ans, alors que le bâtiment reste désespérément vide. France Soir et La Dépêche parlent du Sana fantôme des Pyrénées jusqu'à la reconversion providentielle en 1969. L'ascension commence. C'est fermé. Non, les... Du coup, on n'a plus du tout, on n'y va plus du tout dans ces étages. Entièrement occupé jusqu'à récemment, le bâtiment est aujourd'hui partiellement vide et sans doute appelé à être démantelé. Seuls les étages inférieurs abritent encore l'administration, l'école et le réfectoire. Vous n'étiez plus monté au 8e étage Depuis très longtemps. Depuis quand, Jacques Barnol? Je n'étais plus monté depuis au 8e étage, certainement depuis mon départ en retraite. Et au 4e étage depuis 2010 environ. Ouais. Quand êtes-vous parti? Je suis parti en 2008. Je suis parti le 8 janvier 2008. J'ai cessé mon activité dans l'établissement après en avoir assuré la direction pendant 20 ans à partir de 1989. Moi qui suis un grand amoureux, je dirais, des grands espaces et de la montagne, ce bâtiment, en ce qui me concerne, quand je travaille ici dans mon bureau et que je vois la façade, j'ai toujours l'impression de me croire dans une banlieue d'une grande ville ou carrément dans un pays de l'Est. Parce que ce bâtiment, souvent ici, on le décrit comme un bâtiment stalinien. Donc on a vraiment l'impression, quand on arrive ici, je ne sais pas si le mot est un peu fort, mais quelquefois, et surtout l'hiver quand il ne fait pas beau, avec de la neige et des gros nuages au-dessus, c'est quelquefois un peu lugubre. Ça me fait même penser quelquefois au film Shining qu'on voit au cinéma, en tant que directeur, quand on se retrouve seul le soir à travailler assez tard, et qu'on se retrouve seul dans cet immense bâtiment, on a toujours l'impression qu'on va voir Jack Nicholson sortir des murs. Autre montagne, autre époque, mais quand on arpente les couloirs de cette perle cerdane, on ne peut s'empêcher de penser au Berghof, mythique de la montagne magique, le roman de Thomas Mann, qui a vraiment marqué tous les imaginaires, Pierre Guillaume. C'est la description d'une certaine catégorie de sanatorium, d'établissement de luxe, voire de grand luxe. Donc une hôtellerie de montagne, qui est une hôtellerie évidemment réservée à une élite sociale, alors qu'il y avait des sanatoriums populaires, voire départementaux, qui étaient beaucoup moins dotés, avec un encadrement médical moindre et surtout avec beaucoup moins de réjouissances offertes aux pensionnaires, parce que dans la montagne magique, on s'amuse beaucoup. Dans la montagne magique, on vit pleinement une vie de loisirs. Ce n'était évidemment pas le cas dans les sanatoriums populaires, où on avait là des gens qui étaient privés de ressources, coupés de leur famille, anxieux de revenir le plus vite possible au travail pour subvenir aux besoins de leur famille. La réalité la plus répandue du Sana, c'est quand même un lieu de soins où l'on soignait les gens au moindre frais, par conséquent où on les entassait le plus possible dans les chambres et sur les galeries de soins, où la nourriture n'était pas particulièrement raffinée, mais on jouait sur son abondance pour regonfler les gens. D'ailleurs, c'est vrai pour toute la médecine du 19e siècle, qui consistait très souvent à regonfler les gens amaigris par la dureté de leur sort. Il y avait aussi des distractions organisées, mais là, avec deux attitudes radicalement opposées. Dans la montagne magique, on voit où tout est fait pour rapprocher les sexes et pour leur permettre de s'épanouir. Tandis que dans les sanatoriums populaires, il y avait des règlements extrêmement stricts séparant les hommes des femmes. En fait, on a une convention de commando de Mont-Louis qui se servent de notre établissement pour faire de l'entraînement guérilla. Pardon. Là, l'un des militaires vient de passer en courant, ça ressemblait à quelqu'un qui vient d'allumer une mèche et qui part pour échapper. Ils nous remettent toujours l'établissement en bon état, c'est un grand mot, mais donc voilà, ils se servent de ce bâtiment-là pour faire tous leurs exercices. Quoi. Passent par l'extérieur, ils descendent en rappel toute la façade. Et aussi d'autres exercices où ils font de la guérilla, en fait, des opérations liées à tout ce qui est, je dirais aujourd'hui, terrorisme, etc. Donc à l'intérieur des bâtiments, il y a des doivent soit récupérer un prisonnier, etc. Donc il y a tous ces exercices qu'ils font. Bonjour, quel type d'exercice? Alors là, c'est une formation d'un mois pour les futurs instructeurs commando de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. Donc ils font énormément de manipulation de cordes afin de pallier à toute éventualité. Comme quoi, l'architecture sanatoriale peut se reconvertir de diverses manières. Tout à fait, c'est vrai, c'est vrai. Sur la partie hospitalisation, il n'y a plus rien. Il n'y a que la partie technique où vous avez un étage supplémentaire. Alors nous nous trouvons dans ce grand paquebot de béton et de métal qui a autrefois été une ruche, parce qu'il y avait tous ces patients, dans la galerie de cure au 8e étage. À quoi ça ressemble une galerie de cure? Alors une galerie de cure. Il faut savoir que la tuberculose, dans les années 1950, le traitement de la tuberculose reposait en partie sur ce qu'on a appelé l'héliothérapie, c'est-à-dire des cures de soleil. Donc les patients, à certains moments de la journée, étaient allongés sur des lits relax et ils profitaient des bienfaits du soleil. Donc ils passaient une partie de leur journée dans ces galeries de cure à prendre le soleil de façon à pouvoir lutter et faire en sorte que leur état physiologique s'améliore. Donc ce qui explique également cette situation géographique, c'est que la Cerdagne est donc orientée est-ouest et bénéficie à ce titre d'un ensoleillement maximum. C'est ce qui explique la présence en Cerdagne de sanatoria à partir des années 1917. Et jusqu'aux années dont 1960-1970. Alors au départ, cette galerie de cure n'était pas entièrement vitrée. Elle a été vitrée par la suite dans le cadre de travaux d'économie d'énergie. Et ici, vous aviez un garde-corps d'environ un mètre qui était la galerie de cure, en contact avec l'extérieur. Il y avait des rideaux qu'on pouvait actionner qui permettaient en quelque sorte de doser le niveau d'ensoleillement destiné aux malades, mais c'était une galerie qui était ouverte sur l'extérieur. C'était fondamental dans la cure, le fait d'être en prise directe avec l'air, le soleil. Alors c'était également un des aspects de la cure, c'est qu'on se trouvait dans une région avec un fort ensoleillement, mais avec un degré d'humidité extrêmement faible, c'est-à-dire une siccité de l'air particulièrement élevée, ce qui permettait en particulier aux tuberculeux de mieux récupérer et d'avoir un drainage bronchique beaucoup plus facilité. Derrière la longue galerie de cure, dans les chambres en enfilade où vivaient les enfants, restent ça et là quelques meubles, une table basse, des cadres de lit, au mur des posters d'animaux, des dessins d'enfants, un vieux planning. Plus loin, traversé par les militaires encordés, l'appartement d'apparat du directeur est encore pourvu de sa tapisserie fleurie et colorée d'origine. Et du haut de cette montagne de béton qui sert de repère sur le plateau, on aperçoit les enfants jouant au foot près des nouveaux bâtiments du pôle pédiatrique, bas et colorés, aux antipodes de cette architecture verticale. Ils vont à l'école, dorment, discutent dans les couloirs, écoutent de la musique et jouent au ping-pong. Leur quotidien d'enfant est aussi celui des soins médicaux répétés. Allez, monte. Tiens, dans la bouche, tuyau. Tu respires et tu bloques, hein? Oh. Allez. On bloque. Allez. On a fait un drainage de Damouco. Il faut le drainer tous les jours parce que sinon il va en profiter. Doucement, Mathéo. Il va remplir ses poumons. Il n'arrive pas à bien respirer. Déjà, lui, il porte de l'oxygène, un litre, parce que sinon, sa saturation, il est trop bas, et c'est pas bon pour sa santé. Très bien comme ça. Donc, il a un drainage combien de fois par jour? Le matin et le soir. Il fait un aérosol, il fait un honneur, parce que le problème des moucos, c'est que les crachats, ils sont très solides. Les moucos visqués. Oui. Alors, c'est très solide, il reste collé partout. Avec ça, on arrive à les faire plus liquides, comme ça, en drainage, ils partent, ça décolle, et comme ça, pour lui, c'est mieux. Allez. Allez, joli verre, c'est bien. Allez, continue. Rocian Moriche, je suppose que vous êtes espagnol. Toutes les plaques ici sont trilingues, français, espagnol, oui, catalan. Et vous venez d'où? Moi, je suis basque, je parle catalan, français, espagnol, anglais, un peu de tout. Qu'est-ce que la montagne apporte aux enfants, d'après vous? Les enfants qui sont ici, normalement, ils viennent des grandes villes. Paris, Toulouse, là-bas il y a plein de pollution. Ici, il n'y a pas de pollution. Alors déjà, de rester ici sans rien faire, ça nettoie tous les poumons, ils sont propres. Ils se sentent beaucoup mieux. Il y a plein d'enfants qui sont à Toulouse, ils n'arrivent pas à sortir dehors. Parce qu'ils sont toujours malades. Qui ici, ils arrivent à faire jouer au foot, à courir, à faire des randos, les 2-3 jours, sans problème. À l'hiver, ils font des skis de fond. On croyait qu'ils étaient un enfant normal. Mais après, ils arrivent à la maison, ils sont malades. Allez, fort. Y'a plus? Voilà, c'est bon. Allez, Mathéo, tu peux y aller. Prends ton sac et tu vas. Thank you. Restez dans le couet là, vous mettez les casques et vous restez par là. Ouais. Nous sommes à quelques kilomètres de la Perle Serdam. On est au creux d'une vallée, oui, à côté d'une rivière. Mmh. Et vous vous apprêtez, Pierre Bonnet, à encadrer une activité physique adaptée. C'est ça, de VTT. En fait, avec les jeunes aquatiques, on a une prescription de réentraînement à l'effort. Donc le réentraînement à l'effort, c'est une remise en route sur l'activité physique. Et c'est la marche, la piscine ou le vélo à une intensité faible pour pouvoir en fait améliorer la tolérance à l'effort des jeunes. Donc vous commencez comment ? Alors là, on va commencer tout simplement. C'est un parcours qui est fermé, sans voiture, le long de la rivière. Donc c'est plat. Donc là, aujourd'hui, c'est que des volontaires. Donc il n'y a pas de difficulté au niveau de leur capacité. Là, aujourd'hui, comme on est un diabétique, on l'a contrôlé avant pour que l'activité se fasse sans souci. Et pour les asthmatiques, nous, on a de quoi si jamais il y a une crise. Mais l'idée, c'est de, s'ils travaillent longtemps à faible intensité, ils n'auront pas de crise. Quel est l'avantage ou quelle est l'action spécifique de la montagne ? Alors, la montagne, l'idée aussi, c'est d'utiliser beaucoup l'extérieur. Donc ici, en montagne, déjà, on élimine déjà tous les problèmes d'allergie pour les jeunes asthmatiques. Et là, on est plus sur les gens qui ont de l'asthme à l'effort. Et on essaie d'adapter au maximum, d'utiliser au maximum la montagne pour les faire sortir et continuer à faire une activité régulière. Actuellement, c'est VTT, escalade, marche. Et l'hiver, ça sera du ski, du ski de fond. On continue avec la marche. Et l'idée, c'est qu'ils soient autonomes et qu'ils améliorent leur qualité de vie. Ah, tu as une velléité de roue arrière. Alors ça, par contre, c'est interdit. Imad, pas de roue arrière. Venez tous ici. Imad, wow. Léna, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, qui c'est qui me donne les trois consignes de sécurité ? Vas-y. Faut pas doubler, faut être à 10 mètres de vélo. Et pas freiner. Et faut pas freiner du frein gauche. Pourquoi ? Faut pas faire un soleil. Parce que sinon, on va faire un soleil. C'est ce qui est arrivé la semaine dernière. Ah, Tatiana ! Je pars devant, personne double, Pascal ferme la marche. Ok. Ok, là-bas dans la grande descente, on passe un par un. Ouais. Et après, on essaiera de faire 10 tours. Combien ? 10 ? 10. Ouais, ça dure, si on le fait, normalement c'est 45-50 minutes de travail. Ok. Ok. Ça va, dis-tu. Ça va. Dis-tu. Allez, je démarre, vous me suivez. On va par où ? Je suis Pierre. Personne au double, 7 mètres entre chaque personne. Je ne sais pas c'est quoi 2 mètres. Ouais, 2 mètres c'est encore pied d'un. Ces patients asthmatiques qui viennent dans notre structure s'améliore en quelques jours, et c'est spectaculaire, et nous, ce qui nous permet, après, de les prendre en charge sur le plan Jean-Pascal Saunier du réentraînement à l'effort et de l'éducation thérapeutique. Et un patient asthmatique qui, en pleine et en situation urbaine, citadine, fait de nombreuses crises à répétition, arrive dans cette atmosphère, alors on appellerait ça anciennement propice sur le plan climatique, donc climatique, on va dire aujourd'hui d'altitude, parce qu'on connaît les bénéfices de l'altitude, et on peut se servir de cette fenêtre d'altitude de mise au repos de l'asthme pour faire du réentraînement à l'effort, qui est totalement bénéfique, qui va permettre de réadapter les patients, alors on a également, on leur propose une scolarité adaptée, de les rescolariser, quand on a vraiment de grandes difficultés avec des déscolarisations. Et dernier point, de faire de l'éducation thérapeutique, on a des programmes multidisciplinaires qui font intervenir infirmières, kinés, diététiciens si besoin, et puis enseignants en activité physique adaptée pour les réentraîner, pour les réadapter à l'effort. Et on sait que l'effort, l'amélioration de la tolérance à l'effort est bénéfique sur l'état respiratoire des asthmatiques. Il faut avoir fait la découverte de l'apaisement, de l'amélioration de la maladie asthmatique en quelques jours après l'arrivée du patient pour se rendre compte de la qualité de l'environnement. Et d'un point de vue psychologique alors, la montagne, quel rôle elle peut jouer ? Moi, sur le plan subjectif, je pense que la montagne est apaisante et que le profil de l'asthmatique, qui est, et ça c'est, ça a été montré, qui est un profil d'enfant très anxieux, qui est très stressé, l'asthme et le stress, l'asthme et l'angoisse, c'est quelque chose qui est reconnu. Pour moi, c'est un élément clé dans l'apaisement de la maladie. À la fois facteur, à la fois, on va dire, environnementale, physiologique, mais également psychologique. Et vraiment, avec les asthmatiques, on a des jeunes qui sont dispensés à l'école. Et s'ils sont dispensés à l'école, ils rentrent dans une spirale du déconditionnement, c'est-à-dire que le corps fonctionne moins bien et les crises augmentent régulièrement. Donc nous, le but, c'est... Et donc ils ont une tolérance à l'effort qui est diminuée. Notre travail, c'est de reprendre l'activité pour augmenter leur tolérance à l'effort et pour qu'ils aient une vie normale. Et on utilise la montagne vraiment parce qu'il y a une rupture aussi avec leur quotidien. Et l'effet de rupture, il est géographique aussi. Oui, complet. Parce que c'est un univers nouveau. Complètement. La montagne, là, l'effet de rupture, il est complet. Ils sont dans un lieu, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quand même dans l'enceinte aussi les traumatismes crâniens. Il y a beaucoup de monde. Et donc, c'est la première fois qu'ils se retrouvent dans des... Ils ne se retrouvent pas carrément rejetés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien. Alors, il y a les jeunes obèses, il y a les jeunes diabétiques et tout ça. Et donc, ils retrouvent que chacun a des difficultés. Et l'entraide entre eux est presque l'essentiel. La discussion entre eux, ils retrouvent des solutions, ils avancent, et après ils avancent tout seuls, sans souci. Et le début est un peu surprenant pour eux, la montagne, puisqu'on sort tous les jours, on marche tous les jours. Au début, ils comprennent pas, ils veulent pas d'ailleurs, ils se disent qu'ils veulent pas. Et le but, c'est qu'à la fin, comme on marche tous les jours, toutes les semaines, au moins une marche par semaine, à la fin, c'est eux qui découvrent la marche différemment, ils découvrent la montagne différemment. Quelquefois, ils vont chercher des champignons, quelquefois, c'est une nouvelle vie. Et le plus compliqué, après, c'est le retour à la maison. Parce qu'on a des conditions qui sont quand même excessivement bonnes ici. Ils n'ont même pas besoin d'aller chercher pour les activités. Quelquefois, dans les banlieues, le jeune me dit qu'il n'a pas le droit de sortir de chez lui par rapport à la sécurité. Donc c'est compliqué d'aller mettre en place une activité régulière, puisque le but c'est ça, quand on ne peut pas sortir de chez lui. Galdric Pelletan, vous êtes responsable de toute la partie éducation ? Tout à fait. Alors, sur la partie, donc c'est le service éducatif. Donc, nous accompagnons les enfants dans une prise en charge globale, dont une prise en charge éducative. Sur le quotidien, les enfants vivent sur des unités de vie. Là, actuellement, nous avons 4 unités de vie, dont par tranche d'âge, toute pathologie et sexe confondus. Et les enfants bénéficient donc d'une prise en charge en journée couplée avec la partie scolaire. Et donc les éducateurs sont là en tant que facilitateurs de la vie de ces enfants dans un contexte de prise en charge groupale. Donc après ils vont être sur le quotidien, ils vont être sur le lien avec les familles aussi, parce qu'on gère une période de séparation relativement importante de quelques semaines à plusieurs mois. Certains sont là pour l'année scolaire. Donc on va voir ce que vous appelez unité de vie, tout à fait. Voilà. Donc là, nous avons la chance d'avoir un bâtiment tout neuf, donc le bâtiment du pôle pédiatrique de Cerdagne. Donc là, nous arrivons sur les 3 de nos 4 unités de vie. Est-ce que jouer, faire du foot en chaussettes fait partie des activités physiques adaptées de la réhabilitation ? Pas du tout, non. Voilà, une équipe, un trio de... Footballeur. Et garçon. Chaussures. C'est mieux. Non, regardez, oui. Oui. Ça convient pas. Cette fois, je vous donne 5 minutes pour réfléchir à un thème. Que c'est une belle vue. Je sais jamais. Bonjour. La montagne. La montagne. La montagne, comment ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Dans votre imagination, la montagne. Un colosse. D'accord. Et à ce que je... Ben voilà, un sketch par rapport à c'est ça. Mort. Que représente la montagne pour vous? Les skis, les snowboards. Je vais préparer un petit sketch. La mer, la mer, la mer. On va partir dans cette taille. La représentation. Les acteurs, vous êtes prêts? Oui. Ok, tu fais ça. Mais je suis où, moi? Ah, je marche dans la mer. Allô? Allô? Mais ça capte pas dans cette merde? La montagne. Oh putain. Oh, c'est beau la montagne. Waouh. Une biche. Waouh, c'est magnifique la montagne. Allez les vaches, allez. Waouh, j'adore la montagne, ça sent bon, les fleurs, le pré. Waouh. Un grand bravo. Monte, monte. Amène-le-moi. Marvin, viens, viens, viens, viens. Marvin, viens. Ouais, vous arrivez de l'école, là? Bon, on cherche. Et tu faisais quoi là-bas? Tu faisais quoi là-bas? Je t'ai vu. Avec qui partagez-vous cette chambre, Axel? Je suis seul. J'ai la chance de pouvoir être seul dans cette chambre pour le moment. Pour le moment. Depuis combien de temps êtes-vous à la Perle Cerdane? Là, du coup, c'est ma première année vraiment ici. Mais avant, j'étais en maison d'enfants à Font-Romeu pendant 5 ans à Castelroc. Et là, du coup, j'entame ma première année à la Perle. Vous êtes soigné pour quelle maladie chronique? Pour l'asthme. On sait que la nuit, on peut se réveiller à tout moment parce qu'on n'arrive plus à respirer d'un seul coup. Et il y avait encore cette appréhension-là qui était présente quand je suis arrivé, quoi. Vous veniez d'où? Je venais de Toulouse et à côté de Toulouse. Pour moi, maintenant, ici, c'est vraiment ma deuxième maison, voire même ma maison un peu principale, parce que je vis quand même là toute l'année. Et puis, personnellement, oui, je prends du plaisir à regarder les montagnes. Et je pense que je m'en lasserai jamais, quoi. Quand je suis chez moi, j'ai après envie de revenir ici. Rien que pour voir les montagnes, sentir les odeurs et tout. Enfin, c'est dans la forêt, par exemple, des fois, quand on fait des balades, les odeurs de la sève, des arbres et tout, c'est... Moi, j'aime bien. Est-ce qu'il y a des règles de vie, des interdits, Axel? Des codes à connaître quand on vit ici? Rendre les téléphones à 9h45, par exemple. Donc, dans les règles de vie, il peut y avoir des choses qui vous pèsent, parfois? Ouais, par exemple, moi, j'aime bien faire de la musique, et qu'à 9h, à 10h du soir, on me dise d'arrêter. Moi, je comprends, mais je trouve ça un peu énervant. On peut pas sortir de l'établissement. Enfin, il faut à chaque fois qu'il y ait un papier qui soit fait, il faut que ça passe par le médecin, par le directeur, par le chef de service, par les éducateurs. On doit passer par 10 milliards de personnes pour aller aux toilettes, presque. Donc, compliqué. Mais il y a des contacts humains, quand même, non? Est-ce qu'il y a des liens pour vous? Entre nous, entre les enfants, oui. Mais après, entre les adultes et nous, nous, on les entend parler de nous en tant que patients. Ils ne nous considèrent pas trop comme des enfants, on a l'impression, des fois. Et ça, c'est ce que je leur reproche chaque fois qu'ils disent le nom patient pour me désigner. Ça m'énerve un peu, du coup, je leur explique que je suis un patient, peut-être, mais je suis un enfant aussi. Surtout qu'ils disent devant nous, c'est un peu désobligeant pour nous, je trouve. Après, oui, on a quand même des liens, on parle avec les éducateurs, ils nous posent des questions, mais des fois, on a l'impression que les questions qu'ils nous posent, c'est des discours pré-mâchés qu'on leur a demandé de poser ces questions-là. Par exemple? Pourquoi tu viens ici? Comment l'air de la montagne est bénéfique pour toi ici? Enfin, des questions que, enfin, en général, on demande de poser, enfin, c'est pas des questions qu'on pose instinctivement. Voilà. Vous aimeriez qu'il vous pose plutôt quelles questions? Comment notre journée s'est passée, ça, il le pose pas souvent. Presque, on voudrait avoir une discussion comme si on parlait avec nos parents, en fait, c'est ça. Mais c'est pas trop possible. Parce qu'après, je sais que c'est des éducateurs, que c'est pas nos parents, que c'est pas la famille, et, etc. Mais des fois, c'est un peu trop, je trouve. Un peu trop dans l'excès de... Nous, on est les patients, eux, c'est les professionnels, et ça s'arrête là, quoi. Est-ce que vous redoutez de quitter le plateau de Cerdagne? Oui, quand même, parce que je trouve que c'est quand même un peu un endroit un peu... Enfin, majestueux, presque. Parce que, ouais, il y a des super panoramas, les saisons ici, elles sont bien, il fait pas trop chaud, pas trop froid, enfin... Vraiment, j'aimerais vraiment beaucoup vivre ici, rester ici. Je redoute un peu, ouais. Puis de... Oui, d'être plus seul avec son... Cette histoire de souffle dans le quotidien. Oui, c'est vrai que là, on se sentait un peu... Enfin, on se soutenait par rapport à cette maladie. Enfin, moi, en l'occurrence, par rapport à l'asthme. Puis, on n'était pas... Je sais que j'étais pas seul. Du coup, enfin, c'était bien. Mais là, quand je vais retourner en bas, c'est vrai que je vais me sentir un peu plus seul, quoi. Et tout le monde dit là-haut et en bas. En haut, en bas, comment on dit? Bah, ici, c'est en haut et en bas, c'est en bas, quoi. Et en bas, c'est partout ailleurs. C'est ça. Ce séjour commence par une ascension et se termine par une descente. On monte à Oséja et on en redescend. C'était le cas aussi dans les sanatoriums de montagne. Il y avait cette rupture, on montait. Alors, vous parlez de rupture. Effectivement, on peut le considérer comme une rupture. Je disais tout à l'heure qu'on était un peu comme dans une île. Et c'est... Je garde cette image parce que on a quand même... une espèce de cirque, enfin deux chaînes de montagnes qui nous isolent. Et il y a un côté rupture qui fait que, en groupe, s'installe une vie complètement différente sur le plateau Cerdan, dans notre centre de soins de suite, une vie complètement différente de ce qu'ils avaient en bas. Donc, pour certains patients qui sont en grande difficulté, qui peuvent être des difficultés existentielles, ça peut être une rupture et une situation salutaire, transitoire. Et après, inévitablement, effectivement, il y a un retour qui s'accompagne d'une redescente vers la plaine. Alors, je suis sûre que c'est l'avis de tous les spectateurs, acteurs et spectateurs. Franchement, bravo, parce que belle imagination sur un thème, en plus en si peu de temps. Une chose qu'on n'a pas abordée ensemble tout à l'heure, c'est quand on a terminé l'histoire qu'on a racontée, logiquement, on en trouve une chute. À partir du moment où vous n'avez pas réellement de chute, c'est-à-dire que vous n'avez pas préparé, parce qu'on n'a pas abordé non plus ce sujet-là, surtout on ne dit pas « Oh, ben ça y est, c'est terminé !» C'était Oséja, ou le souffle retrouvé, avec Jacques Barnol, Pierre Guillaume, Jacques Arévalo, Jean-Pascal Saunier, Pierre Bonnet, Sophie Marbezi, Galdric Pelletan, Rochiane Moriche, Matteo et Axel Prusse. Merci à Marion Cordier, Marine Guedes, Cameron, Roger Bouix, Galdric Pelletan, Michael Tifot, Marie-Odile Eichler et à Philippe Grandvoinet pour ses travaux sur l'architecture antituberculeuse. Merci à France Bleu Gironde et à Cédric Châtelus. Archivina, Samantha Schmitt, coordination Perrine Kervran, accompagnée de Marie-Vonne à Bolivier. Un documentaire de Marie Chartron et François Test. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à la caserne, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne à Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter, au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pendant 15 jours, grâce à Tank, notre partenaire, vous pouvez voir Urmutik, le documentaire de Cyril Schlapfer consacré aux musiques montagnardes. Il y a un lien exprès sur la page de l'émission. Demain, dernier épisode, rendez-vous au refuge. Mais en attendant, restez à l'écoute.